Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaise-en-Vesson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaise-en-Vesson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 88-276-61-70. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-0900. En ce moment de... Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. On va parler avec notre collaborateur Joe Hardy. Le Canadien, ça va vraiment, vraiment, vraiment pas bien. C'est incroyable. Et on en parle avec notre collaborateur Joe Hardy. Salut, Joe. Salut, ça va bien, ça va bien. Joe, passez un beau temps des fêtes, j'imagine. Ouais, entraîné. J'allais voir la parenté dans la région de Trois-Rivières. Puis, l'entraînement. On ne lâche pas l'entraînement. Si on veut être capable de pédaler 6-7 000 kilos l'été, il faut s'entraîner l'hiver. C'est incroyable comment tu t'entraînes. Tu t'entraînes, c'est extraordinaire. Hey, Joe, ça va pas bien. C'est incroyable. Tu sais, c'est... Écoute, je pense, je me rappelle plus la statistique. Je l'ai vu l'autre jour. 22 buts, je pense. 22 buts en 7 matchs. C'est tu sais, puis là-dessus, il y a un match de 7 à 5 contre les Canucks de Vancouver. Non, c'est sûr que le Canadien compte pas beaucoup de buts, mais tu sais, quand moi je me rappelle, à un moment donné, là, j'avais passé à l'émission de Ron Fournier au début de la saison, puis je disais que c'est le Canadien là, qu'on joue le nom. C'est plate à dire parce que c'est une vieille équipe de la Ligue, là, mais c'est une équipe ordinaire. Là. C'est une équipe ordinaire. Mais en même temps, on s'en est parlé ce matin quand on s'est parlé. Tu regardes Vegas, Las Vegas. Sont meilleurs que les Canadiens de par beaucoup. Là, si on regarde les résultats, c'est pas un meilleur alignement que les Canadiens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Moi, ils ont beau me faire à quoi n'importe quoi. Là. Je t'en ai parlé le dernier coup, puis j'en parlais avec justement des fichettes ce matin à l'entraînement. T'sais, le système à Claude Julien, il faudra que quelqu'un nous l'explique. Là. Les joueurs semblent pas avoir être capables de le jouer, mais c'est pas la NASA. Là. Le hockey, c'est pas de la NASA. Là. Pas si compliqué que ça, je vois, OK, je sais pas qu'est-ce qu'il essaye de lui montrer. Tu sais, je regardais l'autre soir jouer quelle équipe, donc je regardais, ah, c'était à Toronto. Pas le match d'hier, mais le match auparavant. Puis une chose que tu apprends quand tu joues au hockey d'élite, c'est que s'il y a deux gars dans le coin de la patinoire de l'équipe adverse, il faut t'en aider trois. Si tu veux avoir la rondelle, pour avoir la meilleure chance de sortir de la rondelle, il faut t'en aider trois. Je regarde jouer Ottawa puis Montréal actuellement, des systèmes comme Boucher A, puis comme Claude Julien semble vouloir indiquer, c'est que là, ça ne pousse pas fort pour chercher rondelle d'un coin. Hein. Non. Tu sais, ça fait de l'échec avant à un, souvent. Là, les autres se replient au centre. Je peux comprendre que les deux équipes tirent de la patte, ils ont de la misère pour essayer de trouver des moyens de gagner. Mais moi, je répète ce que j'ai dit récemment, c'est que le hockey, puis j'en parlais à l'antichambre quand je suis allé le 15 décembre, c'est que le hockey, là, quand ça soit l'âge que ça voudra, c'est un jeu. Hein? Faut être du fun de jouer au hockey. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est d'avoir la rondelle. Si tu commences à attacher les gars, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, puis je te donne un exemple, puis tu vas sûrement être d'accord avec moi. Regarde jouer le Canadien. Tu sais, le Claude Julien, il y a d'autres causes dans les qui font ça aussi, trio contre trio. Fait que tu regardes la grande... Je te donne un exemple, trio Pacioretty. Il embarque, mais là, ils sont avertis qu'aussitôt que le trio à Joe Tremblay embarque, vous vous emmenez au banc. C'est quoi que les gars font quand ils embarquent sur la glace? Ils surveillent si l'autre trio de l'autre bord va embarquer contre qui ils ne doivent pas jouer. C'est pas de même que ça marche, là. Quand t'embarques, tu joues, et quand ton 35, 40, 45 secondes est fait, tu t'en viens au banc, là. Tu sais, il faut arrêter. Moi, je regarde ça honnêtement, là. Je suis déçu de Claude Julien à Montréal. Là, ça n'a pas d'allure. Il n'a pas été capable de contrôler ce club-là plus que ça. Là. Écoute, il a signé un contrat de 5 ans à 25 millions de dollars. Il est payé quand même. Il faut qu'il soit payé. T'sais, on en parlait avec quelqu'un l'autre jour, Mike Babcock. Après Mike Babcock, Claude Julien était considéré pas mal des bons entraîneurs de la Ligue. Et c'est ce qui justifie mais son... C'est toute la même gang. Mais tu sais, en même temps, ce matin, tu me disais que ça va être qui à blâmer. Là. Moi, ça va être qui le coupable? Moi, le coupable, là, Bergevin, c'est pas... Moi, d'après moi, c'est pas le coupable. Le coupable, c'est Jeff Molson. Tu sais, quand Bergevin est rentré dans le bureau à Jeff Molson, puis il a dit, garde, là, on va tasser Terrien, Julien venait de perdre sa job à Boston. Je m'excuse, là, mais s'il dit à Jeff Molson, je lui donne un contrat de 5 ans, 25 millions, t'as un peu, toi, là, comment 5 ans, 25 millions? S'il veut pas prendre 2 ans, là, regarde, qu'il s'en aille ailleurs, qu'il y aille ailleurs, tout le monde disait que c'est la Floride, il voulait l'avoir. Pourquoi tu penses qu'il voulait venir à Montréal, tout pas à peu près, hein? C'est un peu comme Jeff Petrie, ça. Puis Arsner, là, quand ils nous ont dit, hey, Arsner, il voulait jouer à Montréal, c'est sûr, c'est le seul club qui a fait 4 millions. Puis Jeff Petrie, 6 millions par année. Je regardais, après t'avoir parlé ce matin, je regardais les statistiques de Petrie. C'est la pire fiche défensive de plus et moins de la Ligue nationale. Moins 22. Ouais. Aïe, aïe, 6 millions par année. Il devait mais ça, tu sais un peu que, puis ça a déjà été compté qu'au niveau fiscaliste, que le Canadien, pour avoir des bons joueurs autonomes, tu te dois de payer plus que, exemple, en Floride, qu'à Dallas. C'est ce qui explique pourquoi Kadulov est parti beaucoup. Tu sais, au moins, tu payes 15 à 20 % de plus à Montréal à cause de la conjoncture fiscale de Montréal. Ouais, ce qui explique un peu pourquoi que tu as autant d'argent. Je comprends ça, mais tu sais, en même temps, là, puis ça, là-dessus, là, les gens qu'on voyait ce matin au club, bon, je parlais à des gens, puis si on blâme Bergevin, moi, je te dis pas que c'est Bergevin, moi, j'ai rien contre lui, là, c'est un gars qui a joué au hockey, puis les anciens joueurs qui ont des jobs, je suis content. Très décevant, je veux dire. Mais en passant, là, je viens de voir que Marchessault vient de signer une extension de contrat, 30 millions, 5 ans. Tu sais, Marchessault à Montréal, il le voyait pas, là, tu sais, il était trop petit, c'était ici, puis ça, c'est un droitier, en plus, il aurait pu donner un poc à Pacioretty, mais ce que j'allais dire, c'est que Bergevin, moi, puis Pichette me disait ça ce matin, tu sais, c'est les gens qui l'entourent que je me pose des questions, les Rick Dudley de ce monde, là, sont 15. Il y a 15 personnes qui travaillent directement pour Bergevin. C'est ces gars-là qui ont dit, il faut prendre Arsner, il faut prendre Petrie, il faut prendre Morrow, il faut prendre Schlemko. Il y a quelque chose qui ne va pas là, dans cette organisation-là. Moi, parce que Bergevin, il ne voit pas tous ces gars-là. Lui-là. Non. Il se fait conseiller par des gens qui travaillent pour lui, qui sont ses amis, puis c'est correct. C'est correct. Alors moi, je vois plus haut que ça. C'est que Molson, là, d'après moi, il doit se faire achaler par des amis qui sont dans les affaires. Ils doivent se dire, Jeff, ça va pas bien, là. Tu sais, le monde, il commence à huer. Il y a moins de monde qu'il y en avait. Il y a des bandes libres. Il faut que tu fasses quelque chose. Mais là, il peut pas. Tu sais, il y a un gars, matin, qui nous disait, il faut qu'il mette Bergevin dehors. Tu peux pas le mettre dehors, là. Tu sais, là, il faut qu'il garde Bergevin puis contrôler ce qu'il veut faire. Est-ce qu'on veut donner la reconstruction de l'équipe à Bergevin? Si je me pose la question, moi, là. Tu vas-tu demander à quelqu'un qui de bâtir une équipe que c'est lui qui a débâti? Ben. Tu sais, poser la question, c'est y répondre. Puis, moi, il me faut penser, tu sais, essaye de faire le tour. Après qu'on s'est parlé ce matin, je pensais à tout ça. Tu sais, même en m'entraînant, matin, je pensais à ça. Parce que la première personne que j'ai côtoyée, matin, à 7h30 au gym, il dit, hey, Bergevin, il faut qu'il mette ça dehors. Là. Parfait, pas de trouble avec ça. Là. C'est remplacé par qui? Ah, ben là, c'est le job d'en trouver un. Ben oui, mais les bons, ils ont tous des jobs actuellement. Tu sais, toi, tu me mentionnais le nom de Patrick Roy. Moi, j'aime bien Patrick, là. Ben, mon cœur est Patrick, ma tête est Julien Brisebois. Je t'ai répondu à ça pour Julien Brisebois. Il ne faut pas oublier que il y a des gars qui ont du succès actuellement. C'est que là, quelques années, ils n'avaient pas de succès. Tu sais, à un moment donné, il faut... Puis c'est exactement ce qu'on jasait ce matin ensemble. C'est qu'à un moment donné, il faut falloir que tu acceptes de le faire accepter aux gens qu'il faut reconstruire comme du monde. Puis ça, ça coûte cher. C'est des dernières positions, c'est l'avant-dernier. Mais en même temps, après t'avoir parlé, c'est que je pensais aux Yankees de New York, là, ils ont commencé à libérer des vétérans. Ils ont monté des jeunes. Ils sont mis à gagner. Il y avait une chance de se rendre au bout. Ils ont fait tout que des échanges. Ils ont fait des bons échanges. Je me rappelle de Aradis Chapman, qui sont allés rechercher. Ils ont fait quand même de bonnes transactions pour. Écoute, les Yankees, les transactions qui ont passé, là, avant, c'est les transactions d'il y a deux ans, c'était une des pires organisations au niveau mineurs. Et avec les joueurs qui ont acquis, qui ont échangé, ils ont passé des derniers aux premiers. Ils ont été chercher plusieurs bons prospects. Et ça, écoute, j'écoutais, dans ton effet, je suis allé voir les 100 meilleurs prospects de la Ligue nationale actuellement. Le Canadien en a deux dans les 100 premiers. C'est Yolson, le défenseur qui est à Laval actuellement, qui a commencé à jouer. Ouais. Il est 99e. Et le premier choix de l'an dernier est 88e. Ouais, puis le premier choix de l'an dernier, là, c'est le joueur de centre qui joue au championnat du monde pour les Américains. 88e. Donc, tu t'en vas où avec ça? Ce qu'on a vu de lui là, au championnat du monde, là, tu sais, c'était pas. Il essaie de nous vendre comme, comme la version anglaise de On compare à Jordan Stahl. Ouais, on le compare à Jordan Stahl. Mais tout ça pour te dire, Joe, que j'ai l'impression que la fin de saison va être très longue. Hein? Ben, moi, écoute, si tu parles à d'autres anciens joueurs, ils vont probablement te répondre comme moi. Tu sais, il n'y a pas de gars dans un vestiaire. J'écoutais les commentaires de je ne sais pas qui, là, de quel joueur, là, mais il n'y a pas de gars qui vont abandonner tout d'un coup de même. Parce que, tu sais, c'est. Ben, ils vont travailler pour le contrat. Pour leur contrat. Pas juste le contrat. Pour avoir passé par là, tu sais, quand tu es un pro, tu sais, les gens qui font de la radio, font de la télé, tu as des mauvais sondages, mettons. Mm. Tu ne lâcheras pas tout parce que tu as eu des mauvais sondages. Ça va être pire. Fait que faut que tu pousses. Il n'y a pas grand monde qui peut régler la situation du Canadien à part des joueurs qui sont là actuellement. Tu peux pas faire 52 transactions dans une soirée, puis tu n'iras pas chercher McDavid demain matin non plus. Non. Fait que c'est l'équipe qu'ils ont actuellement. Il faut que quelqu'un leur vende l'idée. Puis tu n'as pas besoin de leur vendre l'idée, là. Si tu parles à d'anciens joueurs, ils vont te le dire. Les gars, ils savent qu'ils sont dans le trouble, qu'il faudrait qu'ils gagnent tous de game. Puis... Mais moi, je t'ai dit quelque chose ce matin qui t'a fait mal au cœur, peut-être, là. Mais moi, je pense que Price ne fait pas le job comme ils nous disent. Et hier, là, il a donné deux mauvais buts. Tu sais, à un moment donné, là, quand ça va mal de même, là, puis tu es supposé avoir le meilleur gardien au monde, il faut qu'ils arrêtent tout. Puis je comprends que c'est difficile. Mais ça te prend un gardien de but qui fait la job. Il n'y a pas de marge. Hier, cette game-là. Il n'y a pas de. C'est ramassable, cette game-là. Là. Ouais, mais. Joe, il n'y a pas de marge de manœuvre, Carey Price. Il n'y a aucune marge de manœuvre puisque l'attaque ne fonctionne pas. Ouais, mais regarde, entre toi et moi, là. C'est comme si je te disais, on va signer, on va prendre un exemple. Comme mettons que toi, t'es le propriétaire de l'équipe, je te dis, regarde, on va signer Crosby. On a Crosby. On va le signer pour 10 ans, mettons, à 10 millions par année. Mais là, lui, Crosby, il veut un ailier droit qui va nous coûter 8 millions. Tu te dis, comment on va lui donner 8 millions à un ailier droit? Si on lui donne 10 millions à lui, parce qu'il est le meilleur à Crosby, lui, il va faire bien paraître les deux ailiers. On n'ira pas lui chercher des alliés à 10 millions, là. Alors, Price, c'est le gardien le mieux payé de la Ligue. Mm-hmm. Il faut qu'il joue comme le mieux payé de la Ligue. Je comprends qu'il n'y a pas les meilleurs défenseurs. Puis là, c'est plus le temps de nous dire ça à Montréal qu'ils n'ont pas les meilleurs défenseurs. Puis c'était supposé être meilleur. Alors, c'est Price, il faut qu'il fasse bien paraître. Puis moi, malheureusement, je te dis pas que j'aime pas Price, là, mais je te dis que, comme ancien joueur, le gardien de but peut sauver ton équipe. Puis actuellement, Price joue bien, mais comme je te disais ce matin, puis je répète souvent que je disais ce matin parce qu'on s'est parlé longtemps, c'est que Price permet aux Canadiens, présentement, de seulement pas se faire varloper. Il les fait pas gagner. Tu sais, dans le match à 1-1 hier, là, il a fallu qu'ils arrêtent tout. Là, il y a des gens qui t'écoutent, ils vont dire, ben oui, mais ça n'a pas de bon sens, ce qu'ils disent. Mais c'est ça pareil. C'est quand Alak a battu Penguin Pittsburgh et les Capitals de Washington il y a quelques années, ils les arrêtent à tout. Ouais. Comprends-tu? Fait que Quand tu es dans le trouble, ton gardien, là. Quand José Théodore et Carey Price, en venant de Carey Price et José Théodore ont gagné le Hart et le Vézina en même temps, voilà. Ils arrêtaient tout aussi, puis il a fait passer d'une équipe vraiment, là, une équipe très, très ordinaire. Tu te rappelles de ça? C'était très ordinaire. Ça répond à ta question un peu. Moi, je pense que la personne à blâmer actuellement, c'est Jeff Molson, d'avoir laissé Bergevin, exemple. Encore pire, c'est qu'il a donné une extension de contrat terrien. Encore pire que ça, là. Il a donné une extension de contrat terrien qui est sur la plage en Floride à 2 millions par année. Mmh. Il donne 25 millions à Claude Julien. Allô? Tu sais, ouais. Il avait un Bob Arty qui était disponible, peut-être. Il aurait coaché quasiment. Il aurait payé pour coacher à Montréal, lui. Oui, effectivement. Tu sais, je veux dire, à quelque part, là, je dis pas que c'est Barkley meilleur que Julien ou pas meilleur, là. Mais avant de donner 25 millions, c'est comme. Tu sais, là, c'est comme quand les gens disent Price, là, tu me disais ce matin. Et puis d'ailleurs, Dave Fichette nous disait ce matin qu'il faudrait qu'il change Price. J'ai dit, Dave, ils ont eu quoi pour Patrick Roy? Un gros là, numéro 1. Ouais, ça a été très mal. Oui, mais t'as peu, là, c'était ben très mal trangé. T'aurais eu un set. Ouais. Je te pose la question, toi. Ouais. Moi, une équipe qui va se vider. Tu me disais que Ron Fournier. A dit avant les fêtes, puis ça, tu y parles, Ron, des fois à son émission, ouais. Là, il a dit avant les fêtes qu'il y avait 6 équipes, qu'il connaissait 6 équipes qui étaient prêtes à donner le jambe, le bras droit pour avoir Carey Price. Mais ben, si c'est vrai, alors, faisons-le. Fais-le, ce soir, là, en regardant le hockey, là, fais le tour de la ligue, là, prends équipe par équipe. Nomme-moi quel joueur, quelle équipe qui est prêt à donner un bras droit. Ouais. Ou un bras gauche pour avoir Price et être moins bon qu'ils sont avant d'aller chercher Price. Tu sais, là, je t'ai donné l'exemple un matin d'un club comme Edmonton. Edmonton, si t'enlèves McDavid puis t'enlèves Draisaitl, OK? Puis tu dis, là, tu prends n'importe qui de le reste de mon équipe, là. Le Canadien va dire non, hein? Non. Alors, pour avoir Price, le Canadien, moi, quelqu'un m'a dit de très bien placé, m'a dit que le Canadien voulait un gros joueur de un ou deux trios, de premier ou deuxième trio, plus un choix de première ronde. Hey, attends un peu, là. Qui va faire ça? Il n'y a pas un club. Moi, Ron, quand tu me dis ça, là, je vais y parler bientôt, là. Moi, il dit, Ron, donne-moi un nom. Ça se peut pas. Si les 6 équipes que tu dis, là, c'est des malades, là. Ils ne videront pas pour aller chercher un goaler quand tu vas être à recommencer à zéro. Faut pas oublier que Price, là, il n'y a pas 22 ans, hein. Mais non, puis il y a 14% de sa masse salariale à partir de l'an prochain. Joe, je veux faire une pause, puis je veux parce qu'il me reste du temps des fêtes, puis je veux te parler d'un président hockey. C'est une idée qui est arrivée dans le temps des fêtes du champ gauche, puis je ne trouvais pas l'idée bête. C'est de l'écoute de notre avec Joe Hardy sur les ondes de danazosport.com. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. L'entreprise Usinage Numérique HB du 210 rue Beauchamp à Dolbeau-Mistassini connaît une croissance phénoménale. Les propriétaires messieurs Hermel Bugeau, Vincent Girard et Pierre Thériault viennent d'investir une somme de $600,000 qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Tels sont les vœux de la direction d'Usinage Numérique HB 418-239-08. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-95-95 ou varietélcr.ca. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivité. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. Joe, un président hockey, tu vas me dire, Canadiens en ont 15. des adjoints Marc Bergevin. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Puis Jeff Molson, justement, Ron Fournier a dit que pour le moment, il n'était pas question d'avoir un président hockey. Mais un bonhomme comme Vincent Danfous ou Stéphane Quintal, qui serait en haut de Marc Bergevin, ça pourrait être une solution? C'est parce que là, tu sais, quand tu engages, tu sais, comment je te dirais ça? C'est une espèce de sage. Tu sais, un gars comme Vincent Danfous, tu sais, moi, j'ai dit qu'à Vinfeld qu'on aurait dû ramener un Serge Savard, pas comme président, mais dans l'espèce de l'organisation, comme une espèce de sage ou quelque chose de même. Okay. Parce que le grand Serge, encore, j'ai écouté une entrevue, puis il était sur la couche sur bien des affaires. Là. Un président, OK. Ce que je veux en venir là-dessus, c'est que, tu sais, là, exemple, quand tu engages, d'abord, un directeur général aujourd'hui, le salaire varie entre 1,5 million et 3 millions, mettons. OK? Alors là, c'est un peu comme, tu sais, tu dis à un gars, à, mettons, Joe Simard, on t'engage comme directeur gérant à 3 millions par année, mais on va nommer Stéphane Quintal, président hockey. Mais à Toronto, à Toronto, c'est qui? C'est Lou Lamoriello qui est directeur général? Puis tu as Brendan Shanahan comme président? Oui, moi, mais il est actif dans la ligue, là. Il est actif depuis des années. Sur les noms que tu m'as nommés, là, Quintal s'occupait de la discipline. Ouais. Après ça, tu as Stéphane Vincent Danfous, là. Ça fait quoi? Ça fait combien d'années qu'il a fini? Là? Très, très bon jugement. Il est quand même proche. Non. J'enlève pas son jugement. Ouais. Mais là, ce que je veux en venir pour finir mon histoire, tu nommes un directeur général, prends le nom que tu voudras. Mettons que c'est Bergevin. Lui, Bergevin, tu l'engages à 3 millions, mais tu engages Danfous à 3 millions lui-même, ou peut-être 4 parce qu'il est président. Et là, faut que Bergevin et elle demandent à Danfous, qu'est-ce que tu penses de la transaction de Joe Hardy pour Robert Simard? Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? J'ai pas vu jouer Robert Simard trop, là. Mais là, ça marchera plus. Ça n'a plus de fin. C'est qu'à un moment donné, quand tu nommes un directeur gérant ou un président hockey, le directeur à Toronto, c'est ta chose, l'ancien joueur qui est président de la compagnie, qui est président du... C'est Brendan Shanahan qui est président de hockey. Brendan Shanahan. Mais le gars, il n'a pas arrêté, tu sais, quand tu me dis, parce que là, je reviens sur Danfous, le gars, il n'est plus dans le hockey, là, il passe à l'entrée. C'est des noms que je mentionne, parce que, tu sais, Mais moi, je trouve déjà, là, que, tu sais, écoute, je ne veux pas aller trop loin, là, mais tu sais, quand ils te nomment pour une grosse job, là, c'est parce que tu as le talent pour le faire, OK? Puis plus tu t'assois, moi, je me rappelle mes derniers temps dans l'hockey, dans le junior majeur, exemple, faire une transaction. Plus tu vérifies, puis on dirait que moins que la transaction va être bonne. Quand tu as pris une décision à dire, je change tel gars pour tel gars, parce que pour les raisons suivantes, qu'il ne fera pas chez nous ce qu'il peut faire ailleurs, puis ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on a besoin. Mais là, si tu demandes à 22 personnes, ça finira plus, là. Tu sais, il y en a 12 qui vont dire, je sais. Il y en a peut-être 15. Là, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, là. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Peut-être que Marc Bergevin a trop d'adjoints aussi. Ben, moi, quelque part, tu sais, je comprends que c'est ses amis, puis je suis content pour les gars parce que c'est des anciens joueurs, puis ils engagent ses chums. Mais là, présentement, moi, d'après moi, là, puis je te dis ça sur toute réserve, d'après moi, il est en train d'évaluer ce dossier-là, là, de dire, là, tu sais, il y a quelqu'un qui a dit « va chercher Hasner ». Je te l'ai raconté la dernière fois qu'on s'est parlé en ondes. Que Hasner, un des journalistes de Washington qui couvre les Capitals l'année passée dans les séries contre Toronto, a dit « j'espère qu'ils ne signeront pas ce gars-là, il est prêt à faire une pause ». Fait que tu sais, là, il y a quelqu'un qui a dit à Bergevin « il faut prendre Hasner ». Hein? On est d'accord là-dessus. Il y a quelqu'un qui a dit à Bergevin « Petrie », là, je le vois jouer souvent. Tu sais, là, comme Chicago, là, M. Bowman, ce côté de son prénom, il est en Floride, puis il veut jouer toutes les games du Lightning. Ben, tu sais, lui, s'il a une transaction à faire avec Tampa Bay, ben, c'est bon d'y parler parce qu'il voit toutes les games. Mais le gars qui ne voit pas toutes les... Tu peux pas voir toutes les games de chaque équipe, on est d'accord là-dessus? Fait que, tu sais, tu peux pas avoir 32 personnes dans chaque... Un gars parler par équipe, par ville, pour regarder jouer l'équipe. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu prennes ton idée à toi, que tu as vu jouer le gars 5-6 fois, un peu comme les choix repêcheurs, quand t'as le nom de Blonde Bergevin, c'est des... Ben moi, je trouve que c'est Jared Timmons. Oui, je vais le blâmer, Marc Bergevin, puis je vais te dire pourquoi je vais le blâmer, Marc Bergevin, c'est parce que quelque part, t'es responsable. T'es responsable de Trevor Timmons. Et l'an dernier, il était. Tous les rapports, écoute, t'as pas besoin de tout savoir, là. Les journalistes ont sorti tous les repêcheurs de Trevor Timmons. Et il était dernier. OK, Bergevin, il a changé plusieurs choix repêchants, c'est vrai. Mais ça reste quand même que. Malgré tout ça, c'était pas fort les dernières années. Si Trevor Timmons n'a pas le repêchage de 2007 pour Pacioretty, Subban et McDonough, qui c'était un super repêchage, le reste, ça laisse à désirer à Montadi. Puis quand tu sais que tu as un problème, ben c'est à toi de remédier à la situation. Et Bergevin ne l'a pas fait. Il n'a pas remercié Timmons. Au contraire, il a donné une promotion. C'est là que je vais le blâmer. Pour la première fois, pour pas que tu te fâches contre moi, je trouvais que tu as donné raison. Ouais. Parce qu'on est souvent un contre l'autre. Mais en même temps, je te donne raison parce qu'à un moment donné, Bergevin, tu sais, à quelque part, là, si c'est pas de la faute à Timmons, si c'est pas de la faute à Rick Dudley, si c'est pas de la faute à Motson, c'est donc ça devient la faute à Bergevin. Mm. Entre toi puis moi, là. Faut, ouais. À un moment donné, il y a des blâmes à prendre. Ouais. Comme là, moi, ce que j'aime pas, c'est je comprends pourquoi qu'ils le font. Mais tu sais, le Bergevin, on n'entend plus parler, là. On n'entend pas parler, puis on sait pas ce qui se passe. Puis le monde, tu sais, au Québec, on aime le hockey, les gens sont maniaques. Ils aimeraient entendre quelque chose, tu sais. Puis là, justement, pour ouvrir ta porte à propos de Timmons, tu sais, là, exemple, ils ont signé, c'est celui qui est l'ancien des Oilers d'Edmonton qui était à Dallas, là, Hemsky. Tu sais, ils ont signé ça pour 1 million. Il est rendu où, lui, là? Ben, il est rendu, dernière nouvelle, il était blessé, puis on l'a jamais vu. On l'a jamais vu, mais tu sais, des millions de mains. Il y a une commotion cérébrale. Mais tu sais, pourquoi ils n'ont pas pris un gars? On a moins un joueur des Saint-Nien-Chicoutimi de 20 ans, là. Tu le prends, lui, tu le signes, puis il fera pas pire qu'Emski, là. Emski, il est pas là, puis il te paye 1 million. Ah ouais. Ça pas... Moi, c'est ce bout-là qui me déçoit de Montréal. Puis des Yannick Gourde. Quand tu vois des Yannick Gourde, tu vois des. Ah oui, Marchessault. Marchessault, il est 35 points, Marchessault. Frédéric Gaudreau, ben lui, il est quand même pas. Tu sais, il se promène dans la Ligue américaine, il est rendu pas plus. Ils sont où, ces gars-là? Moi, il y a un gars, par contre, qui ont repêché que moi j'aime, puis les gens, les gars sont pas d'accord avec moi, au club, puisque je m'entraîne. Moi, Yolson, je pense que lui, là, peut devenir bon. Là. Vous, un quatrième défenseur. Moi, j'ai l'impression que ça va faire un top 4. Ben, moi, il est très tough, puis il a une bonne tête d'hockey. Mais encore là, tu sais, c'est pas le temps de rappeler un gars de même, là. Tu sais, l'équipe va être là, présentement, puis on en parlait ce matin entre joueurs de hockey, anciens joueurs. Présentement, c'est pas le temps de demander à des jeunes de faire la job. C'est tes vétérans, faut qu'ils fassent la job. Les Pacioretty de ce monde et les nommez-les toutes, les Gallagher et compagnie. Tu sais, c'est parce que là, matin, j'écoutais quelqu'un à radio, là, un commentateur, je sais pas quelle station. Tu sais, il faut échanger Gallagher à Vancouver, puis après ça, Pacioretty, on envoie ça, ouais. Tu sais, tu peux pas toutes les échanger, là. Il faut qu'il y ait un club de hockey. Là, ils ont... Puis le Canadien n'a pas la pire équipe de la Ligue. Là. Arrêtons ça. Là. Tu sais, je veux dire, à quelque part, il y a une équipe. Ils peuvent faire les... Ils sont pas encore morts, le Canadien. Faut pas oublier là, qu'ils oublient Toronto et Boston, là, mais ils peuvent rattraper les autres équipes comme 8-9e. Là. Ouais, mais moi tant qu'à peur, j'aime autant. Tant qu'à tranche là, j'aime autant. Ah là. Ouais. Tu donnes quoi? Mais dis ça, toi. Va dire ça à Molson, là. J'espère que c'est pas ça qu'il est en train de vendre comme idée à Jeff Molson, Bergevin, parce qu'il a l'air d'être bon vendeur, ben, Molson achète tout de lui, là. Oui, effectivement. Tu sais, veut dire à quelque part, là. Je pense qu'il paye encore Guy Carbonneau comme coach à Montréal, là. Hey, en terminant, Joe, comment tu trouves ça que Nicolas Deslauriers remporte la Coupe Molson, puis que Claude Julien le laisse de côté? C'est incroyable! C'est Nicolas Deslauriers, c'est un Steve Bégin. Ouais. Moins rapide, peut-être. Oui, mais je veux dire le même style de joueur, là. Il y a l'intensité qui se présente tous les mais soirs. Là, je te donne un exemple. Ouais. Je suis obligé de te dire oui, admettons que tu as raison, là, mais tu sais, à quelque part, ça revient à ce que je viens de te mentionner juste avant que tu me demandes ça. C'est que là, si tu suis pas des gars, tu sais, les Deslauriers, puis comme nomme-moi les autres. Non, c'est toujours le quatrième trio, là. Mais ça te donne une idée. Oui. Tu sais, hier, de leur, moi, j'ai vu la game en reprise comme toi, là, en accéléré, là. Tu sais, Deslauriers, hier, là, il était les gars s'en allaient au nord, puis lui, s'en allait au sud. Il suivait pas pantoute. Non, mais c'est... Tu sais, là, à quelque part, lui, là, il a habillé un autre gars, bien pour les raisons que ça voudra, là. Mais tu sais, lui, il se dit, avant d'asseoir, je sais pas moi, Deslauriers, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres. C'est parce que là, normalement, le vrai move à faire, s'il était vraiment conséquent, là, ça se fera pas. C'est que tu dis à Pacioretty, tu passes ton tour, mais en même temps, il veut gagner. Il l'a dit. Les Bouchers, lui, ils ont construit pour plus tard. Mais Claude Julien, il dit, pour l'instant, moi, là, il faut que je gagne à chaque soir. Là. Ouais. Fait que s'il veut gagner à chaque soir, là, c'est quoi qu'il fait? faut que ça joue par charité. Moi, m'a dire en affaire, là, je regardais le match, le match Boston à Islanders hier. Moi, je regardais le match, je pensais à Canadien, mais j'allais voir sur Internet, puis je voyais qu'il était en train de perdre. Moi, je ferais jouer, là, Pacioretty puis Drouin à planche. À planche. Brûler bien dur. T'as pas le choix. C'est avec eux autres. C'est tes meilleurs joueurs. Galchenyuk à planche. Ah ouais, tu sais. Pas 12 minutes par game, à planche. T'as pas le choix. T'es rendu là, là. Mais les meilleurs. Pas de Laurier à planche. Ouais. Les meilleurs, faut t'es faire jouer. Ouais. C'est Price, là, ils le font, là. C'est à toutes les games. Comment ça, t'es pas capable de faire ça avant? Ouais. Comment ça que Price, par exemple, fallait qu'il leur pose. Puis là, ils font jouer tous les soirs, hein. Deux games en deux soirs, c'est pas. Fatigant de jouer deux games en deux soirs. Fait que, tu sais, tout ça ensemble, là, entre toi et moi, puis ça fait longtemps que je suis là, OK, c'est quand tu coaches, toi et moi, ce qu'on fait actuellement à jaser, là, ça, c'est facile. Bah, c'est bien plus fun. C'est bien plus fun de faire de la radio quand le Canadien va pas bien. Ça, je comprends, c'est intéressant. Mais, tu sais, là, quand tu te mets à la place de. Tu sais, c'est facile ce qu'on fait là, de faire des échanges, puis on dit donc, c'est pas ça. Tu sais, Claude Julien, présentement, puis Bergevin, là, t'arraches les cheveux, pas à peu près, parce que, tu sais, c'est une ville de hockey, Montréal, comme Toronto, comme les équipes canadiennes, puis quand ça va mal comme le Canadien, c'est encore pire qu'ailleurs, parce que Montréal, qu'on le veuille ou non, c'est un mec du hockey, là, tu sais, les Canadiens, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, avant qu'on se parle l'après-midi, je j'allais prendre un café avec mon épouse, puis on avait des commissions, puis je me disais, tu sais, c'est quoi tu fais? C'est quoi qu'il peut faire? Rien. Il va changer Pacioretty. Il n'y aura pas rien en retour. Tu veux échanger Price, les six équipes, j'aimerais ça y connaître qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner. Si c'était si facile que ça, entre toi et moi, ça serait fait. Non, ben écoute, on parle bien, là, mais j'ai parlé que. Puis on va se laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus, Joe. J'ai parlé avec Pierre Arsenault. Tu suis le baseball autant. Pierre Arsenault, qui est le dépisteur des Marlins de la Floride. Oh, oui. Et il a été impliqué dans la transaction de Giancarlo Stanton. Dans les discussions. Puis il m'expliquait avant les fêtes comment ça fonctionnait une transaction. Et je peux le dire en affaire, c'est tellement plus facile de mettre ça sur appeler des lignes vertes puis dire je changerai tel joueur pour tel joueur, parce qu'il m'expliquait comment ça fonctionnait. Il m'a dit en affaire, jamais je vais blâmer Marc Bergevin pour avoir été un joueur de centre, c'est trop facile à dire. Par contre, ce que je vais te dire, c'est qu'il aurait pu faire un changement que Curry Timmons, puis il l'a pas fait. Ça, je trouvais que tu as donné raison là-dessus. L'autre aspect que moi, j'ai pas aimé, ça, c'est en tant qu'ancien gars de hockey, c'est que quand Terrien était dans le trouble, tu sais, quand ils ont, à partir des fêtes, ils ont effondré il y a 6 ans, qu'il n'ait pas réagi à ça. Je dis pas qu'il n'a pas essayé, là, parce qu'on ni toi ni moi, on le sait. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais il a laissé mourir Terrien dans les Dubains avec une équipe qui était tout croche, sans bouger, sans rien faire. Apparemment qu'il avait essayé. Mais essayer, c'est quoi? Parce que, tu sais, à un moment donné, puis je pense que tu as assez d'expérience dans ce milieu-là pour savoir aux gens avec qui tu parles, c'est que souvent, tu n'es pas obligé d'aller chercher quand même McDavid, là. Non. Tu peux faire une transaction très ordinaire, mettons, aller chercher... Ben, Nicolas Deslauriers a amené... Tu vas me dire Nicolas Deslauriers, je vois rien, mais Nicolas Deslauriers a amené quand même d'énergie à ce club-là, là. Il a amené quelque chose que l'équipe n'avait pas. Il a amené quelque chose que l'équipe n'avait pas, là. Ben oui, non, ça, je suis d'accord avec toi, tu sais... Mais encore là, dans un match comme hier, tu sais, Deslauriers, là, j'espère que, tu sais, la tendance des gars qui jouent physique et sont énergiques de même, ils ont tendance à commencer à penser qu'ils peuvent être des scoreurs. Puis là, ils sont plus aussi énergiques. Parce que dans un match comme hier, puis même le match précédent, c'est Deslauriers, là, pour une raison ou pour une autre, ils jettent plus les gants à terre. C'est fini, là, tu veux jouer au hockey, là. Parce qu'il aimait ça, le joueur du mois. Il oublie ce qu'il l'a amené dans l'Union nationale, peut-être. T'as-tu compris? Oui, oui. Hey, j'ai hâte que tu parles à Joe, pas à Joe Maron, puis tu lui demandes c'est qui ces six équipes-là. Il va lui demander carrément. Nomme-moi-les, ça n'a pas de bon sens, là. Okay. Je veux pas quoi, moi, d'abord, au départ, entre toi puis moi, puis j'aime bien Ron, c'est un chum, là. Qui est un directeur gérant, il dit ça de même publiquement à Ron, là, regarde, là, moi, là, je donnerais mes culottes pour avoir. Non. Hey. Tu sais, quand tu veux faire une transaction, les belles transactions, on n'entend pas parler. Hein. Ça se décide, on tombe tout à terre. Quand ils ont échangé Weber pour Subban, là, nomme-moi pas quelqu'un que tu dis qu'il savait. Il n'y a pas personne qui savait ça. Ben, on entendait parler beaucoup des Oilers d'Edmonton. Non, ben on entendait parler des équipes. Tu sais, tout le monde, bon, OK. Parce que Bergevin avait donné sa langue au chat en disant, à la conférence de presse de fin de saison, il n'est pas échangé, mais si on a un appel, il est en train de dire aux gens, appelez-moi, là. Si vous m'appelez, moi, vous écoutez. La première chose qu'on a su, il était échangé à Nashville. Puis moi, je n'étais pas d'accord avec la transaction, même si je n'aimais pas Subban. Mais entre toi et moi, on est en train de voir pourquoi Nashville a laissé aller Weber. Ben, T'es supposé amener de la robustesse à Montréal, puis personne ne toucherait après. Puis du leadership. J'ai pas vu personne. Le leadership, là. Mais, c'est quoi le leadership? On le voit pas, nous autres, là. Non, non. Mais moi, je commençais pas à critiquer Marc Bergevin là-dessus, parce que. Non. C'est facile à dire après. Il faut pouvoir. Je vais juste te répondre que, tu sais. Non, c'est pour répondre à l'affaire des transactions. C'est que, tu sais, quand quelqu'un échange, Nashville a changé Weber, tu sais d'où ça part, hein? Je sais que je prends de ton temps de plus, là, mais tu te rappelles pourquoi il y a un changement? Il n'y avait pas un bonus, il n'y avait pas une histoire de bonus aussi les Predators. Parce que lui, il avait signé son contrat avec Philadelphie. Oui. Là, t'es obligé de galer l'offre. Ouais, là, ils ont compris, eux autres, là, que lui, là, Weber, il aimait ça, Nashville. Mais si un club, il offrait d'autres choses, il était prêt à aller ailleurs. Ils ont dit parfait. À partir de ce moment-là, ils ont dit, oups, ce gars-là, il n'est pas vendu à notre équipe. Ce qu'un gars comme Markov a jamais fait. C'est ma déception de Bergevin, mais je suis très déçu de Markov plus que de Bergevin. Parce que Markov aurait pu accepter un contrat. Il ne faut pas croire qu'à 400-500 000 de moins, il n'aurait pas été heureux pareil quand il y a à peu près 60 millions de fêtes de toutes les années qu'il voit à Montréal. Joe, on s'en reparle dans oui, ça fait des bonnes émissions, ça fait des bons shows de sport. Que quand Canadien va pas bien, ça fait des bons. C'est intéressant pour toi, mais quand je faisais les nouvelles, les lignes ne dérougissaient pas quand le Canadien ou les Nordiques à la mal. Joe, on s'en reparle dans 3-2-3 semaines. Merci beaucoup. Bonne année à tes auditeurs en passant. Merci. Bye. Joe Hardy, notre collaborateur.